This is a Thumbsbox Production. De nos temps, les hommes sont virils venus d'ailleurs. Les escrocs sont ivrognes, retirent leurs fers à une petite sœur. Nel Shetan, je ne rêve de mettre leurs menottes. Dis ça après le reste est une anecdote. Je suis qu'un homme sans les pouvoirs d'Hancock, sans prétendre avoir le savoir d'Alfred Hitchcock. Le monde tourne sur des faits astronomiques. Auditeur Hiroshima, mes sons sont des bombes atomiques. Je suis une œuvre rare, mon gars artistique. Que ce soit Ali ou Sofiane, je reste très strict. Quand je suis vif comme le papillon, pique comme l'abeille. C'est marrant, mais c'est des timbres qui te font des rappels. J'ai l'album qui percute, tu rentres dans le coma. Je suis au bout du sommet de l'Himalaya. Je suis resté sincère depuis Dawala. J'encourage mes tastiles et je le dis voilà. Je suis comme toi, je vis pareil. Je suis comme toi, je veux d'oseille. Je suis comme toi, réussir j'essaye. Je suis comme toi, je veux d'oseille. Je suis comme la sirène du bateau qui rentre dans le port, je suis comme cette putain de bastos qui a troué ton corps. Je suis comme cette tronçonneuse qui découpe ses arbres. Je suis comme ce musée qui exploite ses arts. Je suis comme ses yeux qui lâchent des larmes. Je suis comme cette détente qui reste collée à l'arme. Je suis cette veine qui se fait transpercer par une lame. Je suis ce mort qui voit partir son âme. Je suis comme ce cœur qui est triste et qui va mal. Je suis comme ce pauvre africain qui attend un organe. Je suis comme ce président qui dirige tout un pays. Je suis comme ce jeune qui roule en voiture sans permis. Je suis comme Kadhafi, je lâcherai pas ma position. Rempli d'inspiration, je compte pas poser ma démission. Je suis comme ces missiles qui détruisent les villages. Je suis comme ce refrain auto-tuné qui va faire un carnage. Je suis comme toi, je vis pareil. Je suis comme toi, je veux d'oseille. Je suis comme toi, réussir j'essaye. Je suis comme toi, je veux d'oseille. Je suis comme toi, je vis pareil. Je suis comme toi, je veux l'oseille. Je suis comme toi, réussir j'essaye. Je suis comme toi, je veux l'oseille. Je vis pareil. Je suis comme toi, je veux d'oseille. Je suis comme toi, réussir j'essaye. Je suis comme toi, je veux d'oseille. Je veux l'oseille, je veux de l'oseille, de l'oseille. Il nous faut de l'oseille. Oui, de l'oseille, oh oh, oh oh. Elle a deux S, est un style meurtrier d'état. Oh oh, oh oh, oh. Yeah, yeah, yeah, oh Thumbsbox Productions.